Alors, ma communication portera sur les résultats d'un diagnostic, donc quelque chose de beaucoup plus ponctuel que ce que l'on a pu voir ce matin sur des travaux qui s'étalaient sur plusieurs années, voire dizaines d'années. Diagnostic d'archéologie préventive que nous avons réalisé en mai-juin 2012 dans la cour du quartier Henri IV, qui correspond à l'ancienne cour des offices du château de Fontainebleau. Château de Fontainebleau, pour ceux qui ne le savent pas, qui se situe actuellement dans le département de Seine-et-Marne. Alors, cette opération archéologique s'inscrit dans le programme de réhabilitation du quartier Henri IV, qui est en partie réalisé actuellement, programme qui nécessitait la réfection des réseaux enterrés et donc la réalisation de terrassements susceptibles d'impacter des vestiges archéologiques enfouis, dans cette cour. C'est donc en amont de ces travaux que nous sommes intervenus pour diagnostiquer la cour. Alors, vous avez une vue ici de la cour en question avec le quartier Henri IV en élévation fraîchement rénové et les tranchées de diagnostic. Cet espace de la cour du quartier Henri IV posait un certain nombre de questions puisque bien qu'on soit en face d'un palais royal, voire impérial à un moment donné, cet espace est assez mal documenté et constitue l'espace le moins bien connu du château. Cependant, comme nous le verrons tout à l'heure, un certain nombre de documents laissaient présager une évolution assez complexe du lieu au cours du temps et qui ont fourni les problématiques archéologiques poursuivies lors de l'opération. Une de ces questions portait notamment sur l'évolution du château. Est-ce que le château s'est développé sur un espace préalablement occupé par la ville de Fontainebleau, dont on connaît assez mal l'évolution aussi? Et aussi, quel crédit donner au plan et dessin que donne l'architecte Jacques Androuet du Cerceau de cette partie du château avant la construction du quartier Henri IV? Alors, comme vous avez pu voir, il n'y a que trois tranchées de diagnostic dans cette cour, donc il faut d'ores et déjà dire que certaines questions n'ont pas trouvé totalement leur réponse et que beaucoup de choses restent à l'état d'hypothèse. Afin de présenter ces résultats, j'aborderai dans un premier temps les problématiques archéologiques qui ont été poursuivies sur le terrain, avant de présenter les vestiges découverts, pour ensuite faire un retour vers ces problématiques de départ pour voir dans quelle mesure on a pu y répondre et quelle discordance il pouvait y avoir, pour enfin ouvrir après vers les témoignages du quotidien au XVIe et au début du XVIIe siècle que la fouille a permis d'aborder, et je finirai par la découverte un peu exceptionnelle de bijoux en or qui la tranche complètement avec le quotidien fait lors de cette fouille. Alors, les origines de la ville de Fontainebleau, les étapes ainsi que les mécanismes de son développement topographique restent mal connus. S'il est probable que l'agglomération primitive soit née du château, sa relation topographique avec ce dernier nous échappe largement. Les premiers plans de Fontainebleau ne sont pas antérieurs à la fin du XVIIe siècle. À cette date, le quartier Henri IV et la place d'Armes qui la précède. Ici, vous avez le quartier Henri IV et la place d'Armes. Occupent déjà et fixent la topographie urbaine que nous connaissons à cet endroit. Nous savons par les comptes des bâtiments du roi que la création de la place d'Armes a nécessité l'achat et la destruction de plusieurs maisons au début du XVIIe siècle. Par contre, nous ignorons si l'espace occupé par la cour des offices s'est fait également au détriment de l'urbanisme Bellifontain. Yvonne Gestaz, dans son ouvrage sur Fontainebleau, avait avancé l'hypothèse en situant à cet endroit un quartier des vieilles halles qui est connu par des comptes, des actes notariés au XVIe siècle, mais ce n'est pas assuré au seul vu de ces archives. Alors, si l'extension urbaine à cet endroit avant le milieu du XVIe siècle reste très hypothétique, la présence de constructions dépendantes du château avant, ayant précédé le quartier Henri IV que l'on connaît encore actuellement, est confortée par un véritable dossier iconographique qui n'est pas sans poser quelques problèmes et qui font écho à ce qu'on a pu entendre ce matin sur l'utilisation de ce genre de documents. Alors, l'architecte Jacques-André du Cerceau reproduit dans son second volume des plus excellents bâtiments de France, publié en 1579, quatre planches gravées figurant le château de Fontainebleau. Dans le temps de la préparation de cet ouvrage, deux autres plans et dessins du château conservés actuellement au British Museum furent réalisés avec de sensibles différences par rapport aux planches publiées. Vous avez ici le plan du British Museum, tracé vers 1570. Celui-ci représente à l'emplacement qui nous occupe, ici, un bâtiment avec la légende ici et le logis de feu Madame la Régente. Ici, un focus. Bordé au nord par la cour de feu Madame la Régente et au sud par une cour des offices. L'inscription fait référence à Marie de Lorraine, régente d'Écosse, morte en 1560. On peut voir que le traitement apporté à cette partie du plan est beaucoup plus schématique que les autres. Seul un plan masse est donné du bâtiment et les limites des espaces associés sont simplement évoquées sans être terminées graphiquement. Sur la vue à vol d'oiseau accompagnant le plan, on a volontairement ignoré ici cet ensemble. Seule figure la mention ici et la cour des offices, comme si la représentation de cet espace utilitaire n'était pas nécessaire au portrait qui est donné du palais royal. Les plans gravés publiés dans l'ouvrage de Ducerceau montrent des dispositions radicalement différentes à cet endroit. Ce sont ici trois ailes en retour qui sont représentées encadrant une cour rectangulaire ouverte vers la cour ovale, donc cœur primitif du château de Fontainebleau. Les dispositions intérieures que l'on peut voir ici sont cette fois-ci détaillées. On y voit les refends portant cheminée qui divisent les ailes en autant de pièces de taille régulière. Il s'agit ici des offices et cuisines qui semblent avoir été construites sous Charles IX vers 1570. Alors, les vues à vol d'oiseau qui accompagnent le plan permettent d'apprécier l'élévation de l'ensemble. On y voit que les bâtiments disposent d'un étage et d'un niveau sous les combles éclairés avec des lucarnes. Enfin, la dernière vue montre le portail d'entrée, percé dans l'aile nord et donnant accès de l'extérieur du château. Alors, ces précieux documents sont les premiers à nous donner une image globale et qui se veut précise du monument. Cependant, il ne faut pas y voir une stricte représentation de l'état existant au moment de la publication de ces planches. Tout d'abord, comme vous avez pu le constater, il y a des discordances assez fortes entre les plans et les vues à vol d'oiseau, tant sur les dessins du British Museum que sur les planches éditées. Sur le plan du British Museum, André du Cerceau représente une salle ovale. Excusez-moi. Voici une salle ovale qui ferme la cour ovale. Alors que sur la vue à vol d'oiseau, il dessine au même endroit une galerie basse et un pont traversant le fossé vers l'espace des offices. Sur le plan publié, on retrouve cette même salle ovale, mais qui cette fois-ci est ouverte sur le pont donnant accès aux offices. Mais sur la vue à vol d'oiseau correspondante, c'est un bâtiment à toiture en croupe et tourelle d'angle qui figure au même endroit. Ces différences notables ont de quoi laisser relativement perplexe si l'on ne remet pas l'œuvre de Ducerceau dans le contexte de sa réalisation. L'architecte dédicace son travail à Catherine de Médicis et au roi de France, son fils Charles IX, qu'ils indiquent comme étant les commanditaires de l'ouvrage. Il s'agit là d'une commande royale, de plans et vues des palais et demeures de la famille régnante, ainsi que des demeures des grands du royaume. L'objectif d'un tel travail, ouvrage, est moins de fournir un traité d'architecture que de glorifier la famille royale et la haute aristocratie capable d'édifier ces constructions. Dans ces conditions, les variantes figurées sur les plans et dessins doivent plus être comprises comme des propositions faites par l'architecte pour modifier cette partie du château qui était peut-être en déshérence au tout début, à toute fin du XVIe siècle. La vue à vol d'oiseau que vous avez ici publiée représente, selon toute vraisemblance, l'ancien bâtiment du guet que l'on connaît par d'autres sources et qui clôt la cour ovale vers l'est depuis au moins la période médiévale. Son remplacement par une salle ovale, comme on le voit sur les autres documents, ou une galerie, comme le propose l'architecte, ne semble pas avoir eu lieu. La cour ovale ne sera ouverte vers l'est que plus tard par Henri IV. Par contre, il est admis que les cuisines et offices attribués à Charles IX ont été réalisés. Si on en croit le devis et marché de maçonnerie du 3 mars 1609 pour la construction de l'aile sud du quartier Henri IV, où il est indiqué que le maçon pourra céder de la démolition des anciennes cuisines, donc cuisines préexistantes. Pour autant, on est en droit de se demander si les cuisines de Charles IX représentées par Ducerceau relèvent de l'existant ou du projet, et dans ce cas, ont-ils été réalisés, et jusqu'à quel point le projet a-t-il été suivi. Cela nous amène à rentrer dans le vif du sujet avec les vestiges découverts lors de ce diagnostic. Alors, vous avez ici le plan cumulé des vestiges observés lors de l'opération et leur attribution chronologique large. Bon, je passe assez vite. On a retrouvé assez vite aussi là, un tronçon de fossé proto-historique que Sophie Bénadeau a trouvé en parallèle sur l'espace de la place d'Armes, donc certainement un établissement du second âge du fer dont on ne sait pas grand-chose pour le moment, à part la présence possible. On peut apprécier sur cette diapo l'implantation des tranchées diagnostiques qui ont été implantées pour essayer de répondre au mieux aux problématiques de départ et aux questions archéologiques posées. Trois périodes principales sont représentées, la proto-histoire, comme je l'ai dit, le bas Moyen-Âge, les 16e et 17e siècles, qui constituent le gros des vestiges retrouvés dans ces tranchées. Vous avez ici une vue du fossé, vous voyez très profondément enfoui sous de nombreux remblais successifs jusqu'au XVIIe siècle. La période suivante qui a laissé des vestiges sur place ne sont pas antérieures au bas Moyen-Âge. On a un ensemble de maçonnerie pour cette période, dont un bâtiment que vous avez en photo ici, largement recoupé par les états postérieurs. Ces différentes structures du bas Moyen-Âge ont en commun d'avoir été construites avec un mortier de terre très argileux, ce qui a permis quand même, en l'absence souvent d'éléments de datation, de pouvoir faire des associations entre tranchées quand ces éléments nous manquaient. Alors, dans la tranchée 1, c'est un bâtiment au soubassement fait de carreaux de grès et de moellons de meulière qui est apparu. Le plan de ce bâtiment tronqué, comme je l'ai dit, semble dessiner un rectangle, peut-être ouvert vers le nord. Il a conservé une partie de son sol intérieur, fait d'un caillouti grossier, mêlé de limon brun, de cendres et de scories métallurgiques. Dans la tranchée 2, il a été plus difficile de comprendre l'organisation des maçonneries observées. Elles sont orientées globalement nord-sud et est-ouest. Ces murs, dont il ne reste quasiment rien, deux assises de moellons, ou simplement même les tranchées d'épierrement des murs, qui ont été totalement récupérées. Vous avez ici une coupe sur les tranchées d'épierrement. Donc simplement des négatifs, de murs qui semblent avoir appartenir à un ou plusieurs bâtiments, dont le développement nous échappe largement. Vous pouvez observer sur la photo en bas à gauche des lambeaux de sol pavé qui semblent marquer un espace extérieur associé à ces constructions. Dans la tranchée 3, c'est un simple mur avec un retour vers l'est qui a été observé, très partiellement conservé, sans doute appartenant aussi à un bâtiment là dont on ne sait pas grand-chose, mais qu'on associe à cette période. Alors la datation de cette phase a été un petit peu rendue délicate par le peu de mobilier et le peu d'éléments datants, et donc reste assez fragile. Ça s'appuie sur quelques fragments de céramique retrouvés dans les niveaux de remblai sur lesquels est installé le bâtiment de la tranchée 1, un bâtiment quadrangulaire, et sur un unique carreau de pavement bicolore contenu dans un niveau de remblai sur lequel reposent les maçonneries de la tranchée 2. Ici, la céramique en question, donc un pichet et un élément d'une tasse polylobée, et le carreau de pavement bicolore qui correspond par contre à un type qui a été retrouvé en place dans le château, dans un des bâtiments de la cour ovale. Le gros des vestiges se situe, comme on aurait pu le penser, au XVIe et au tout début du XVIIe siècle. Et comprend plusieurs bâtiments identifiés, dont certains se succèdent dans le temps. Le niveau de destruction très important des bâtiments de cette période, ainsi que la disparition de l'essentiel des niveaux de circulation contemporains, a parfois rendu l'établissement de la chronologie relative délicate. Cependant, il est possible de proposer deux phases. Dans la tranchée 1, un premier bâtiment partiellement observé se développe selon un axe nord-est-sud-ouest. Son mur goutreau sud traverse toute la fenêtre de diagnostic, tandis que son mur goutreau nord s'interrompt dans la tranchée. Un mur de refend divise l'espace intérieur. Vous avez ici un des murs goutreau. Et là, le mur goutreau nord, vous voyez, dans un état de conservation beaucoup plus délicat à observer, puisqu'on a simplement la tranchée d'épierrement, et le mur de refend. Avec le long de ce mur de refend, simplement observé au bord de la coupe, puisque vous voyez, on se trouve vraiment au bord de la tranchée, des niveaux extrêmement riches en mobilier, et qui semble correspondre à l'installation d'une fosse de latrine que malheureusement on n'a pas pu aborder lors de ce diagnostic. Alors, les fondations de ces bâtiments mettent en œuvre le calcaire de brie et le mortier de chaux, mais les élévations font également place à la brique dans des proportions qu'il est difficile à apprécier. La récupération des matériaux a été systématique, en tout cas pour une bonne part des maçonneries, à tel point que de rares individus de briques ont pu être retrouvés entières. Le long du mur goutreau nord, des petits murs de soutènement ont pu être mis en évidence, avec certainement des installations liées à quelque chose qui pourrait être un appentis à coller le long de ce mur goutreau nord, avec sans doute une grosse dalle qui portait sans doute le pilier d'une structure légère de type appentis. Voici les quelques éléments de briques qu'on a pu retrouver dans les niveaux de démolition. Vous voyez des briques qui sont vitrifiées et qui leur donnent une couleur verdâtre. Et on peut imaginer que ces différences de couleurs ont pu être mises en œuvre dans les élévations pour donner un jeu esthétique dont on ignore le dessin, mais que l'on peut suggérer au vu de ces éléments. Nous avons aussi retrouvé dans les niveaux de démolition des éléments de porphyre, des éléments de plaquage, en porphyre vert et en porphyre rouge, le porphyre rouge venant de carrières égyptiennes et le porphyre vert venant de calcaire grec, du Péloponnèse. À cette époque-là, ces carrières ne sont plus en activité, donc on a affaire, pour accéder à ce matériau, en fait, on dépece les monuments antiques. Allez, au XVIe siècle, il y a un véritable marché pour ce type de matériaux, de dépeçage de monuments, parfois venant d'Italie, pour les mettre en œuvre dans les riches demeures contemporaines. Donc, au vu de ces éléments, ces matériaux ont sans doute été mis en œuvre dans ce bâtiment de la tranchée 1, ce qui pose des questions sur le statut de ce monument. Quelques éléments d'ardoise assez bien conservés ont permis d'avoir quelques indices sur le type de couverture qu'il pouvait y avoir. Les individus les mieux conservés montrent des ardoises d'arêtier et de noue, ce qui suggère une toiture en croupe et ou des lucarnes sous comble. Après sa destruction, ce bâtiment a laissé la place à un autre corps de bâtiment qui reprend le même emplacement et la même orientation tout en étant moins large. Alors, ces murs goutteraux traversent la fenêtre de diagnostic et se poursuivent vers l'est et l'ouest. Aucun mur de refend n'a été identifié à l'intérieur. Ce bâtiment borde une cour pavée de grès. Vous avez ici les murs dans leur état de conservation. Et la cour qui s'étend au sud de ce bâtiment. On voit en partie ici, il faut savoir qu'elle s'étendait sur l'ensemble de la surface couverte par la photo et que ce sont les terrassements qui ont rapidement tronqué cette cour pavée. Cette cour vient buter au sud sur une tranchée d'épierrement qui marque la trace d'un mur disparu, seul vestige d'un bâtiment bordant la cour au sud. Pour la même période, d'autres constructions ont été repérées dans la tranchée 2 et 3. Dans la tranchée 2, c'est un bâtiment quadrangulaire, partiellement observé, dans la partie nord de la tranchée 2, qui possède une fosse de latrine voûtée le long de son mur nord. Son comblement a livré un mobilier archéologique caractéristique de la deuxième moitié du XVIe siècle et du début du XVIIe siècle. Les matériaux de construction qui scellent la fin de l'utilisation de cet aménagement semblent indiquer l'utilisation de briques dans les élévations du bâtiment, et notamment les mêmes briques vitrifiées en surface déjà rencontrées pour le corps de bâtiment dont il était question tout à l'heure dans la tranchée 1. On peut donc avancer l'hypothèse que ces deux bâtiments appartiennent à la même campagne de construction, si l'on prend aussi en compte les autres éléments de datation, notamment céramiques. Dans la dernière tranchée, vers l'est, c'est un mur simplement représenté par sa tranchée d'épierrement, un long mur orienté nord-ouest, associé à deux petits murs parallèles, qui forment les vestiges attribués à cette période, mais les plus délicats, d'identifier ici des bâtiments. On a peut-être affaire à un long mur de courtine, enfin de séparation entre deux espaces sur lequel seraient adossés des bâtiments, là dont on ignore largement l'étendue. En définitive, la surface de la cour actuelle du quartier Henri IV est occupée par plusieurs bâtiments dans la seconde moitié du XVIe siècle et jusqu'aux premières années du XVIIe siècle, date où le tout est détruit pour construire le quartier Henri IV. Avec la succession de deux phases pour les constructions observées uniquement dans la tranchée 1. Les bâtiments qui subsistent lors du démarrage du chantier de construction du quartier Henri IV en 1603 disparaîtront progressivement pendant celui-ci. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a pu voir lors de la fouille. On a vraiment épierré petit à petit et remblayé au fur et à mesure que l'on construisait les nouveaux bâtiments ce qui existait dans la cour. Il est bien possible que les bâtiments ont même subsisté longtemps pendant le chantier au milieu de la cour, quoi. Qu'est-ce que l'on peut observer maintenant si on compare les deux ? Ce que l'on a trouvé dans la cour, archéologiquement, et le dossier documentaire de départ. Alors la question d'un quartier ancien de Fontainebleau qui aurait disparu sous l'extension du château reste encore en suspens. Vous avez vu qu'il y a une présence, il y a des bâtiments, mais que l'on explique mal pour le moment. Là, il faudrait ouvrir plus grand. La nature des constructions relevées pour la fin de la période médiévale n'est pas déterminable pour le moment. A-t-on affaire à des dépendances du château ou sommes-nous à l'extérieur du château? Pour le moment, je ne peux pas répondre. Pour le XVIe siècle, l'existence de documents iconographiques impose la comparaison avec les vestiges de cette époque observés lors de l'opération. Les deux phases constructives enregistrées dans la tranchée 1 rappellent les différents états donnés par du cerceau sans vraiment y correspondre totalement. Lorsqu'on superpose, comme vous pouvez le voir ici, le plan du British Museum avec le bâtiment, la première phase du bâtiment trouvée dans la tranchée 1, on note des différences importantes. Le bâtiment représenté par l'architecte est moins large, n'indique pas les aménagements accolés à la façade nord, et on en arrive même à douter qu'il s'agisse de la même construction. Il faut pourtant, à mon sens, l'envisager. Il faut se rappeler que le logis de feu Madame la Régente n'a pas reçu le même traitement graphique que le reste du plan. Il figure pour information sur le plan et n'est pas représenté sur les vues à vol d'oiseau. Il ne faut sans doute pas trop s'étonner que le plan masse qui est donné sur les plans du British Museum soit faux. Les erreurs de tracé, d'échelle ou même de report topographique entre les deux faisant le reste, à mon sens. La superposition du plan gravé publié avec la deuxième phase de la tranchée 1 pose un peu moins de problèmes d'identification. Si les dispositions intérieures de l'aile nord ne se retrouvent pas à la fouille, qu'il y a un léger décalage topographique entre le plan et les vestiges, la largeur de l'aile nord, celle de la cour et l'implantation de l'aile sud sont assez similaires avec le plan. La comparaison, à mon sens, suffit à avancer que les cuisines figurant dans les plus excellents bâtiments de France ont bien été construites, même si le projet n'a pas forcément été suivi en ce qui concerne les distributions intérieures. En tout cas, nous n'avons pas trouvé trace à la fouille. Alors, l'autre intérêt de ces superpositions de plans est de mettre en évidence ce que ne représentent pas les plans du cerceau, à savoir les constructions des tranchées 2 et 3, qu'il faut assurément associer au château. En particulier, le bâtiment de la tranchée 2 avec sa fosse de latrine, dont la fouille a permis d'entrevoir quelques fragments de la vie quotidienne au château à travers les déchets mis au rebut dans son contenu. Un des apports de la fouille de cette fosse de latrine est le témoignage qu'elle apporte sur l'alimentation carnée à travers les ossements d'animaux retrouvés à l'intérieur. L'étude de ces ossements provenant de préparations culinaires ou de la consommation alimentaire nous renseigne sur les pratiques en la matière et sur le contexte social également. L'ensemble des informations que je vais donner ici proviennent de l'étude qu'en a faite Jean-Claude Leblay sur les lots de faune issus de cette opération. Pour la deuxième moitié du XVIe siècle et le début du XVIIe siècle, on dispose d'un ensemble de 1056 restes osseux. Cet ensemble provient du comblement de la latrine, mais pas uniquement. Ça provient également d'une partie des remblais de destruction des bâtiments de la tranchée 1, avec une différence dans les compositions de ces deux lots. La latrine de la tranchée 2 a livré à elle seule 700 ossements, permettant d'identifier 26 espèces animales. Le porc, le mouton, le coq, l'oie, le dindon, le canard, le pigeon, le cerf, le sanglier, le lièvre, la perdrix, la grive, le merle, le passereau, mais aussi des poissons d'eau douce, brochets, carpes, barbeaux, brèmes. Ainsi que des animaux non consommés, comme la chauve-souris, en tout cas on peut l'imaginer, le rat noir ou la souris grise. On y constate par contre l'absence étonnante de restes de bovins, pourtant généralement en bonne place sur la table. Vous avez ici un diagramme circulaire du poids des ossements en fonction de l'espèce, variable qui permet d'évaluer dans une certaine mesure la masse de viande fournie par chaque espèce. On y voit que le gros gibier, cerf, sanglier, constitue 60% de l'apport carné. Le porc arrive juste après le gibier. Il s'agit d'une viande devenue ordinaire et populaire au XVIe siècle. On note par contre la présence du dindon, animal du Nouveau Monde, encore peu répandu en France dans cette seconde moitié du XVIe siècle, et qui a été consommé ici. Bon, ce n'est pas non plus rarissime. Le mouton, par contre, est assez sous-représenté dans cet ensemble, malgré le succès que remporte cette viande au XVIe siècle. On note également l'absence surprenante, en tout cas pour le moment, de poissons de mer, pourtant largement consommés durant toute la période. Ces résultats donnent l'impression d'une table relativement ordinaire, d'un milieu toutefois privilégié, si on prend en compte l'activité cynégétique représentée. Mais on est loin de la profusion d'espèces sauvages représentées dans des ensembles osseux découverts, par exemple, au Louvre pour le XVe siècle, ou au château des Ducs de Normandie, ou encore plus près de Fontainebleau, dans les offices du château de Brigante-Robert pour le XIVe siècle, où là on a profusion d'espèces que l'on ne retrouve pas ici. À mon sens, c'est ici la table du quotidien au château de Fontainebleau qui est représentée à l'écart des fastueux banquets de cour donnés par la famille royale. Plusieurs autres lots d'ossements animaux provenant des niveaux de démolition des bâtiments de la tranchée 1 avaient livré un lot d'ossements suffisamment conséquent pour pouvoir être étudiés. Alors, ces lots d'ossements se composent de rebuts de préparation culinaire, mais aussi de rebuts de consommation. On y relève une représentation majoritaire des bovins et des ovins. La viande de mouton est-elle ici mieux représentée que dans l'autre lot? On peut noter que le gibier prend encore une place encore importante dans ces lots. Autre apport de cette latrine, c'est également le reflet de la table où ont été servies ces viandes que permettent d'entrevoir sa fouille. Vous avez ici le mobilier céramique contenu dans cette fosse de latrine, assez peu abondant par rapport au contexte qui généralement est assez riche pour ce type de vestiges. Les fosses de latrine généralement fournissent énormément de céramique. Ici, on en a assez peu. Il s'agit majoritairement de céramique de préparation culinaire ou de conservation, comme le classique Coquemar Poitou-Fer depuis l'époque médiévale. Cependant, le comblement de la latrine a livré un peu de vaisselle de table, ainsi qu'un lot assez significatif de verreries qui a pu faire l'objet d'une restauration. Je passe rapidement sur la céramique. Vous avez ici en haut à gauche un réchauffoir pour tout simplement tenir les préparations culinaires au chaud sur la table. Et à droite, une céramique un peu plus atypique. En tout cas, ce n'est pas une forme courante. D'après Fabienne Ravoir, ce serait d'ailleurs une céramique copiée sur un récipient, une bouteille en fait en métal que l'on a retrouvé ici avec un décor digité. Un lot de verreries assez important qui a pu faire l'objet d'un remontage, assez bien caractérisable depuis l'étude que Georges Barrera a faite sur la verrerie du Louvre. On retrouve des verres iconiques à liseré bleu, assez caractéristiques de la seconde moitié du XVIe siècle, des verres avec un pied à boule, ou des verres à pied balustre qui, eux, sont plutôt sensiblement du tout début du XVIIe siècle. Rapidement, un autre écho que nous renvoie le comblement de cette latrine a trait aux soins du corps. Après les ablutions et les ripailles, il faut des fois s'en remettre. Vous avez ici, en haut à gauche, un flacon de grès, grès du Beauvaisis, deuxième moitié du XVIe siècle, qui contenait des préparations pharmaceutiques. Vous avez aussi en haut à droite des petits pots en verre qui, semble-t-il, sont des pots à onguents, dont on a une forme archéologiquement complète pour la première fois en Île-de-France, à Fontainebleau. Et en bas, vous pouvez voir un petit ustensile de toilette qui est un cure-oreille cure-dent. Voilà. Il ne fallait pas se tromper de sens. On retrouve également aussi l'évocation des jeux de hasard avec ce petit dé en os qui doit faire 8 mm de côté, sans doute fabriqué sur place avec les ossements, les reliefs de repas, puisqu'on en a retrouvé certains qui n'étaient simplement ébauchés. Je finirai très rapidement sur la découverte exceptionnelle d'orfèvrerie au sein de cette latrine avec trois bijoux en or, rehaussés des mots pour deux d'entre eux, retrouvés vraiment les uns à côté des autres, certainement dans un même contenant à la base. Vous avez une épingle à cheveux, rehaussée, coiffée d'un chiffre portant le double C, une petite croix reliquaire en or et une médaille de pèlerinage, comme nous allons voir rapidement. Alors la petite croix reliquaire, toute petite, hein, ça doit faire effet 1,8 cm sur 2,8 mm d'épaisseur. Cette petite enseigne de pèlerinage, plus que médaille, sans doute pèlerinage à la Sainte Tunique d'Argenteuil, donc un travail d'orfèvrerie caractéristique du XVIe siècle, avec une technique d'émaillage typique de cette période. Un premier temps, on se demandait à quel prix le pèlerinage pouvait bien correspondre cette petite enseigne. Le premier candidat était le pèlerinage de la Sainte Tunique de Chartres. Donc vous avez ici un certain nombre d'enseignes en plomb, assez stéréotypées, qui ne ressemblaient pas vraiment à ce que l'on avait. Par contre, lorsque l'on va voir du côté d'Argenteuil, on a quelque chose de véritablement très très proche, hein, avec une enseigne qui reprend la forme même de la relique. Je passe rapidement. Simplement sur cette, simplement façon de parler, cette épingle à cheveux en or, coiffée d'un monogramme qui fait écho au château de Fontainebleau, puisqu'on a ici le double C, qu'on retrouve à plusieurs endroits dans le château, notamment dans la salle de bal, et qui semblait bien correspondre au chiffre de Catherine de Médicis. Bon, ce n'est pas la seule personne à cette époque-là de se parer de ce double C. Seulement, si l'on y regarde de plus près, ce chiffre est rehaussé des mots vert et blanc. Et nous savons par d'autres sources que ces couleurs ont été utilisées largement par la reine. On en a plusieurs témoignages. Les couleurs de la reine, plus le monogramme de la reine et tout ceci à Fontainebleau laisse fortement présager que nous sommes en présence d'un bijou qui appartenait à la reine, tout simplement, Catherine de Médicis. L'archéologie n'a pas apporté de réponse quant à sa situation dans la fosse de latrine, par contre. Là, on est plus dans le ressort du roman. Ça pourrait faire l'objet d'un roman. S'agit-il d'un larcin, d'une perte? Là, la question reste ouverte. On sait que on a des témoignages de caches sous les fauteuils des fosses de latrines. On pourrait être dans ce genre de configuration. Mais là, l'archéologie est un peu démunie face à ces questions. Je vous remercie.